الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Louange à Allah, Seigneur des mondes, et prière et paix sur celui qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci est une compilation résumée de réponses scientifiques dans les règles du comportement du débat de science autour de l'Qur'an ou Sunna, avec la compréhension des anciens de cette communauté. Nous avons pour but, dans cette compilation, de faire comprendre aux gens la réalité des assemblées législatives. Dans un même temps, il y a une réponse à ceux qui considèrent que le fait d'y entrer fait partie de l'islam. Cette opinion a été exposée à travers deux ouvrages. 1. La légitimité de rentrer dans les assemblées législatives. 2. Le jugement concernant la participation au ministère et aux assemblées représentatives. Ceci est à titre d'éclaircissement et de conseil dans la mesure où il appartient à l'ensemble des gens de connaître la vérité sur ce sujet. En effet, cette question est liée au tawhid de l'individu pour son Seigneur, tout en sachant que at-tawhid est la base sur laquelle tout repose et par laquelle tous les actes sont acceptés, et ceci est une condition sine qua non. Ainsi, la réponse dans ce livret se présentera sous deux formes. 1. Une réponse globale qui interpellera la disposition innée de l'homme. 2. Une réponse détaillée pour ceux qui rapportent des ambiguïtés à ce sujet. La réponse globale. Par des méthodes claires et des exemples simples, nous disons: nul doute que sur le fait qu'Allah appartient à ses actes dans sa création. C'est lui qui les crée, qui pourvoit à leurs besoins et qui leur donne la mort, qui leur donne la vie, qui administre leurs affaires, qui leur fait du bien, qui leur nuit, qui leur promulgue des lois. C'est lui qui possède toutes choses, gloire et pureté à lui. Aucun musulman ne doute non plus que parmi ses actes dans la promulgation des lois, il y a le fait de rendre licite, de rendre illicite et le fait de légiférer. Donc le fait de rendre licite, c'est le fait qu'Allah le Très-Haut a permis le mariage, la nourriture, ainsi que les bonnes choses. Le fait de rendre illicite, c'est le fait qu'Allah le Très-Haut a interdit les mauvaises choses, telles que la fornication ainsi que l'alcool, etc. Le fait de légiférer, c'est le fait qu'Allah le Très-Haut a institué des règles pour ses serviteurs concernant la prière, le jeûne, zakat, les punitions, l'héritage, etc. Nul doute aussi que ces trois domaines appartiennent à Allah et que personne ne s'associe à lui dans ceci. Supposons qu'il y a ici un État parmi d'autres qui mettent en place un pouvoir auquel ils attribuent le droit de rendre licite et illicite dans ce qu'Allah a déjà permis et interdit, et dans d'autres domaines, parmi les affaires mondaines, qui n'entrent pas dans le licite et l'illicite légiférés par Allah. Considérons que ce pouvoir a été nommé comme étant une instance qui rend licite et illicite. Nous est-il alors permis dans ce cas d'y entrer dans l'intérêt de l'islam et de sa propagation? Est-il permis à une personne d'élever un individu par le biais de sa candidature dans de telles assemblées? Et quel est le jugement concernant celui qui présente lui-même sa candidature ainsi que celui qui vote pour lui dans les assemblées qui permettent et interdisent? La réponse à cela est claire chez tout musulman, monothéiste, muwahid, qui connaît l'argumentation de la ilaha illallah. Celui qui se présente est tombé dans le grand polythéisme, le grand shirk, ainsi que celui qui vote pour lui. Et personne ne contredit cela, excepté celui qui ignore le sens de la ilaha illallah. Car at-tawhid n'est valide et n'est accepté qu'avec la réalisation de trois choses. 1. La croyance. 2. La parole. 3. L'acte. Et ceci est la croyance des gens dans l'acceptation de la foi et du tawhid. Dans le cas où une personne aurait une intention sincère ainsi qu'une parole véridique, mais que l'acte serait contradictoire à son intention et sa parole, de sorte que l'acte soit en apparence du shirk, alors ni son intention ni sa parole ne lui seraient profitables. Le shirk Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans son livret Kashf al-Shubuhat, vers la fin de ce qu'il a cité, il dit: il n'y a aucune divergence sur le fait que at-tawhid se pratique par le cœur, la parole et les actes. Et si l'une de ces trois choses faisait défaut, la personne ne pourrait être musulmane. Donc, la question qui s'impose ici et qui est adressée à ces gens qui permettent l'entrée dans les assemblées législatives est: quelle est la différence entre les assemblées qui rendent licite et illicite et les assemblées législatives où la raison, le droit et la coutume témoignent que les membres de cette assemblée ont le droit de proposer des lois et de les légiférer, que ce soit dans ce cas-là à légiférer ou pas. Si un des membres du pouvoir législatif présente une motion dans un domaine où Allah a déjà jugé, il va la proposer aux membres de ce pouvoir législatif. Puis une législation sera émise en accord fondé sur la majorité. Il n'y a aucun doute que ceci n'est pas seulement le fait de légiférer sur un droit parmi les droits d'Allah, mais c'est légiférer sur la législation d'Allah. Allah dit, ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement et il est prompt à régler les comptes. Sourate 13, verset 41. Cette réponse globale est une preuve contre tous ceux qui autorisent l'entrée dans ces assemblées. À l'homme de prendre en compte ces quelques paroles et qu'il les utilise comme preuve et qu'il désavoue devant Allah ce qu'ils font. La réponse détaillée. Premièrement, les preuves sur l'interdiction d'entrer dans les assemblées législatives et l'éclaircissement que ceci est de l'association à Allah. Première preuve. Allah a dit, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Sourate 42, verset 21. Et il n'y a aucun doute que la punition du fornicateur, du voleur, de celui qui fait un faux témoignage et du buveur d'alcool parmi d'autres font partie des lois religieuses. Et ces gens-là se permettent de légiférer dans ces domaines alors qu'elles font partie des lois religieuses dont il n'est permis à personne d'en légiférer à part Allah. Et c'est pour cela que ceux qui se donnent le droit de légiférer deviennent des associés à Allah à travers le contenu du verset. À travers le texte précédent, nous ne regardons ni les intentions, ni les paroles prônant que ces sièges ne sont que des chaînes afin d'appeler à l'islam. Car celui qui sied sur un siège de législateur, c'est un législateur qui le veuille ou non. Vu l'article de la Constitution, et tous les pouvoirs agiront avec lui en tant que législateur. Ce moyen est shirki, non réglementé. Et la règle chez nous, musulmans, dit « la fin ne justifie pas les moyens ». Et le moyen que vous utilisez est du shirk, qui égale Allah dans ses actions. Deuxième preuve. Il est connu qu'en cas de litige entre les membres d'une assemblée législative, la référence dans le règlement du dit litige doit être la constitution, à savoir « at-tarut ». Et nul doute que ceci est un annulant de l'islam et de la croyance. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Le shir Sulayman ibn Abdullah et le shir dit dans son livre Taïsir el-Aziz el-Hamid, page 419, chapitre La parole du Très-Haut, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire? Sourate 4, verset 60. Dans ce verset se trouve la preuve que délaisser le jugement du Tarout, c'est-à-dire tout jugement autre que Al-Qur'an et Al-Sunna, fait partie des obligations et celui qui demande justice à Tarout n'est pas croyant, encore moins musulman. Le Cheikh Mohammed Jamal al-Din al-Qasimi, rahimahullah, dans son tafsir connu sous le titre de Al-Mahasin al-Ta'wil, concernant la parole d'Allah, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Sourate 4, verset 60. Premièrement, Allah a dit, ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Allah a considéré le fait de se faire juger auprès du Tarout comme une croyance en lui. Il n'y a aucun doute que la croyance à Tarout est une mécréance en Allah, tout comme la mécréance à Tarout est une croyance en Allah. Et nous avons cité auparavant dans le second recueil certaines paroles de savants montrant que se faire juger par Tarout est une croyance en lui. Troisième preuve, Allah a dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Sourate 4, verset 59. L'imam Ibn al-Qayyim a dit à propos de ce verset, et ceci est une preuve tranchante, qu'il est obligatoire de se référer dans tous les litiges à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et non à qui que ce soit d'autre. Quiconque se réfère à autre a alors contredit l'ordonnance d'Allah. Celui qui prêche afin que les gens demandent jugement à Tarout, alors celui-ci prêche al-Jahiliya. Une personne n'est pas croyante tant qu'elle ne prend pas exclusivement Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme référence dans ses litiges. C'est pour cela qu'Allah a dit « Si vous croyez en Allah et au jour dernier ». Et ceci a déjà été cité. Et nous avons dit que « si » implique une condition qui, lorsqu'absente, entraîne l'absence de la croyance en Allah et au jour dernier. Ce verset est une protection pour celui qui l'applique et s'y accroche et brise le dos de tout contradictoire. Al-Hafiz ibn Kathir dit dans son tafsir concernant ce verset, vous devez vous référer au livre d'Allah et au prophète. Al-Hafiz ibn Kathir a dit dans son tafsir concernant ce verset, vous devez vous référer au livre d'Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les jugements de vos litiges. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, n'est pas croyant en Allah et au jour dernier, quiconque ne se réfère pas au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième preuve, Allah a dit, ne va-t-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes, sourate 13 verset 41. Imaginons qu'un membre de l'assemblée législative présente une motion dans le but d'appliquer un jugement parmi les jugements d'Allah. Il doit la présenter aux membres du pouvoir législatif afin qu'ils décident de son acceptation ou de son rejet par le biais du vote ou de l'accord de la majorité. Dans le cas où cette motion a été rejetée, nul ne peut la soumettre si ce n'est qu'après une année. Y a-t-il une mécréance plus grave que celle-ci? Plus grave que le fait de soumettre les jugements du Seigneur de l'univers, Seigneur des seigneurs, roi des rois, au vote? Nul doute que la personne qui accepte ou rejette une quelconque motion tombe dans la mécréance car l'accepteur a soumis la loi d'Allah au choix personnel et a ouvert une porte à la mécréance. Nul doute que ceci est de la mécréance. On se demande aussi si un membre de l'Assemblée législative peut présenter une motion concernant le nombre d'unités dans la prière, à savoir son accroissement, 5 unités pour Al-Asr au lieu de 4, ou sa diminution, 3 unités pour le Dhuhr au lieu de 4, et soumettre ceci au jugement de la majorité. Considère-t-il cela comme de la mécréance? Si oui, alors quelle est la différence entre donner le choix aux humains dans le nombre d'unités dans les prières et leur donner le choix concernant les punitions corporelles et la loi du talion? Cinquième preuve. Quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, c'est silence la plus solide qui ne peut se briser. Sourate 2, verset 256. Nul doute que parmi les Tawarit, on trouve la constitution et les lois contradictoires à la loi d'Allah. Elles sont des Tawarit, car elles transgressent les lois d'Allah et deviennent ainsi une référence dans le jugement, les rendant ainsi idoles adorées sur terre. Il est obligatoire que tu saches, mon frère musulman, qu'il y a ici quatre sortes de divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. 1. La statue. 2. L'idole. 3. La divinité. 4. Le Seigneur. Concernant ces quatre choses adorées, si elles se rassemblent, elles se séparent dans leur aspect. Et si elles sont évoquées séparément, elles se rassemblent dans leur sens, à savoir que chacune d'elles est adorée en dehors d'Allah. Ainsi, si elles sont évoquées ensemble, chacune d'elles alors possède un sens propre. La statue, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les objets inanimés sous forme d'homme ou ange ou animal ou autre. L'idole, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les choses inanimées, comme les arbres, les pierres, les tombeaux et la constitution forgée ou autre. Il n'est pas conditionné que l'idole soit une statue. La preuve en est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oh mon Dieu, fais que mon tombeau ne soit pas pris comme idole, afin que les gens l'adorent. La colère d'Allah s'est abattue sur un peuple qui a pris le tombeau de ses messagers comme sanctuaire, rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. La statue est une idole, car elle entre dans la catégorie des choses inanimées qui sont adorées. Donc toute statue est une idole, mais toute idole n'est pas forcément une statue. La divinité, c'est tout ce à quoi on attribue une adoration parmi d'autres, que ce soit à un homme vivant, mort ou une chose inanimée sans âme. La preuve en est la parole du Très-Haut. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Sourate 79, verset 23. Ainsi que sa parole. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Sourate 5, verset 116. Le Seigneur, C'est tout ce à quoi on attribue une action parmi les actions d'Allah spécifiques à sa seigneurie. Le Très-Haut dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate 9, verset 31. At-Tarut. Il regroupe la statue, l'idole, la divinité, le seigneur. Sauf qu'on conditionne pour la divinité et le seigneur afin de les englober dans le terme At-Tarut, s'ils sont doués de raison. Qu'ils soient satisfaits de ce qu'on leur attribue ou qu'ils persistent et ne délaissent pas, ni ne désavouent ceux qui les ont divinisés et qui les ont pris pour seigneur en dehors d'Allah. Il en découle alors que toute statue est un tarout, ainsi que toute idole. Donc toute constitution et loi auxquelles on demande justice et qui contredisent le jugement du Seigneur font partie de At-Tarut parmi les idoles. Comment un musulman qui croit en Allah et au jour du jugement dernier peut-il jurer de respecter une idole et At-Tarut alors qu'il lui a été ordonné de le rejeter conformément à la parole du Très-Haut ? Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Sourate 4, verset 60. Le rejet de At-Tarut ainsi que la croyance en Allah, l'unique, sont les piliers de At-Tawahid, sans lequel la personne ne peut être muwahida, ne peut être monothéiste. Le Shir Abd al-Rahman ibn Hassan al-Shir a dit, cela confirme la parole d'Allah, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Sourate 4, verset 60. Car le rejet du tarout est un pilier du tawhid, comme on le trouve dans le verset de la sourate, la vache. Quiconque ne possède pas ce pilier n'est pas monothéiste, muwahid.